J'ai déclenché les foules, les rageux se mangent la douille. Je fais du son, déchaîne les meufs, ma gueule, je m'en bats les couilles. On reste des bonhommes, je performe genre de la norme. Statistique favorable, seul des fourrailles et score. Je vais déclencher les foules, les rageux se mangent la douille. Je fais du son, je déchaîne les meufs, ma gueule, je m'en bats les couilles. On reste des bonhommes.